amis qui restent. Il y a les face à face, aussi les tête à tête. Les aventures d'un soir, les plaisirs d'une nuit, ces regards dans le noir et tout ce temps qui fuit. On ne vivra plus ailleurs, on peut tout faire la différence, ne donner que le meilleur et toujours tenter sa chance. On ne vivra plus ailleurs, on peut tout faire la différence, ne donner que le meilleur. Ne donner que le meilleur et toujours danser sa chance. Ici pas plus qu'ailleurs, on peut tout faire la différence. Ne donner que le meilleur et toujours danser sa chance.